Voir se dit sehen. Sehen, oui. Mais pour plonger dans le passé, on ne dit pas gesehen, mais gesehen. Donc, sehen, c'est voir, et gesehen, vu. Alors, comment diriez-vous, en parlant de quelque chose, je l'ai vu? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Et je l'avais vu. Ich hatte es gesehen. Ich hatte es gesehen. Ich hatte es gesehen. Et comment diriez-vous au conditionnel je l'aurais vu? Comme dans si j'avais mieux regardé, je l'aurais vu. Alors, je l'aurais vu, j'aurais vu cela. J'aurais, c'est ich hätte. Ich hätte es gesehen. Très bien. Ich hätte es gesehen. Oui, donc vous voyez bien la différence entre ich hatte es gesehen, je l'avais vu, et ich hätte es gesehen, je l'aurais vu, avec hätte qui s'écrit comme hatte, mais avec un umlaut sur le a. Comment diriez-vous je vous l'aurais dit, comme dans si je l'avais su avant, je vous l'aurais dit. Donc je vous l'aurais dit. Ich hätte es Ihnen gesagt. Bien. Ich hätte es Ihnen gesagt. Ihnen, I majuscule H-N-E-N, c'est vous dans le sens de à vous. Et il ne me l'aurait pas dit. Er hätte es mir nicht gesagt. Bien. Er hätte es mir nicht gesagt. Nous vous l'aurions dit. Wir hätten es Ihnen gesagt. Oui, wir hätten es Ihnen gesagt. Voyons maintenant comment dire si vous me l'aviez dit. Si se dit comme dans si j'avais de la veine. Wenn. Oui, wenn. Après si, wenn, on emploie hätten. Comment diriez-vous si vous me l'aviez dit? Si vous m'aviez dit cela. Wenn Sie es hätten. Oh, wenn entraîne la même construction que weil. Wenn Sie es mir. Wenn Sie es mir. Oui. Si vous me l'aviez dit. Wenn Sie es mir gesagt hätten. Oui. Wenn Sie es mir gesagt hätten. Comment diriez-vous je l'aurais acheté si je l'avais vu? Ich hätte es gekauft. Bien. Ich hätte es gekauft. Si. Wenn ich es gesehen habe. Hätte. Ich hätte es gekauft. C'est en effet, je l'aurais acheté. Ich hätte, je l'aurais. Ich hätte es gekauft. Je l'aurais acheté. Donc, si je l'avais vu. Wenn ich. Après wenn, la construction est identique à celle des phrases introduites par weil. Vous direz wenn ich es gesehen hätte. Bien. Wenn ich es gesehen hätte. Si je l'avais vu. Ich hätte es gekauft, wenn ich es gesehen hätte. Comment diriez-vous si vous m'aviez dit que vous arriveriez aujourd'hui, je vous aurais attendu? Wenn Sie haben. Pas si vite. Ah, wenn Sie. Après si, wenn, comme après parce que, weil, le verbe est rejeté en fin de phrase. Si vous m'aviez dit. Wenn Sie mir. Mir, oui. Mir gesagt hätten. Bien. Wenn Sie mir gesagt hätten, que vous arriveriez. Dass Sie. Das Sie. Et là encore, nous avons une construction identique à celle des phrases introduites par weil. Donc, que vous arriveriez. Das Sie. Arriver se dit ankommen. Ankommen, oui. Arriver, c'est ankommen. Donc, que vous arriveriez aujourd'hui. Dass Sie heute. Dass Sie heute. Ankommen würden. Dass Sie heute ankommen würden. Oui, très bien. Je le redis encore une fois. Si vous m'aviez dit. wenn Sie mir gesagt hätten, que vous arriveriez aujourd'hui, dass Sie heute ankommen würden, je vous aurais attendu. Là, on arrive à la phrase principale et la question de la place du verbe se pose. Au fait, comment diriez-vous « je vous aurais attendu » sans rien devant ? Je vous aurais attendu. Ich hätte. Auf Ihnen. Attention, ce n'est pas auf Ihnen, mais auf Sie. Attendu. Auf Sie gewarten. Gewartet. Attendu. Gewartet. Gewartet. Bien. On a donc warten, attendre, qui donne gewartet. Attendu. Ich hätte auf Sie gewartet. C'est « je vous aurais attendu » tout court. Comme je vous le disais avec la phrase « das wird er nicht tun können », cela, il ne pourra pas le faire, l'allemand aime que le verbe reste toujours en deuxième position, même si cela suppose de faire passer le sujet derrière lui, en troisième position. Ici, vous rajoutez une première idée devant. « Je vous aurais attendu »« Ich hätte auf Sie » gewartet. Cette première idée, c'est l'ensemble « Wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie heute ankommen würden »« Si vous m'aviez dit que vous arriveriez aujourd'hui » devant « Je vous aurais attendu ». Cet ensemble prend la première position de la phrase. Après cela, c'est le verbe qui doit venir directement. Comment diriez-vous donc « Si vous m'aviez dit que vous arriveriez aujourd'hui, je vous aurais attendu » Wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie heute ankommen würden, hätte ich. Très bien. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie heute ankommen würden, hätte ich. C'est ça, on est obligé d'inverser ich et hätte. Donc, hätte ich. Auf Sie gewartet. Oui. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie heute ankommen würden, hätte ich auf Sie gewartet. Si vous m'aviez dit que vous arriveriez aujourd'hui, je vous aurais attendu.